Allo, c'est qui là? Allo, hein? Ouais, c'est qui là? Allo, viola la couleur du papers. Le commerçant n'a pas la monnaie. Moula moula couleur Lakers. Non, mais pas trop, tu seras sonné. Milliard de 50 euros élastiqués sur le déco. Je me suis levé à 10h30 comme le gérant du ghetto. Cagou les gars dans la porte. Pas de question que mes palus. Je ressorte pas dans l'enquête. C'est la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie qui gâche ma vie. J'ai pas du honey, honey, je suis rabat aux commandes du navire. Hala, elle s'accroche à ma queue au quartier, on s'accroche à la vie. Je casse ma ce pute dans le bas, tu tombes direct sur ma messagerie. Hala, le cross est cabré, ça fait brr, brr. J'ai cassé cambré sous alcool, dans deux secondes j'en mets pas. Lourdeau au stress, j'suis dans quoi trop teinté pilon chez la nounou, peut cracher la tatara. Que j'en fume le bat, rien que j'en fume le bat. Maman t'en perds qui se passe qu'ils sont là pour deux sacs. Négro t'as t'es bizarre, la cam elle est basée, j'la fous dans mon blouson. Zéro panteur dans ma rue, si j'en crois je prends minimum deux ans. S'il y a plus de sous, hey. Demain j'racaille encore, hey. Faut qu'on se mette d'accord, si j'pousse te plaît, tâche d'être à l'heure. Viola la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Moula moula couleur Lakers, non mais pas trop tu seras sonné. Milliard de 50 euros élastiqués sur le déco. Je me suis levé à 10h30 comme le gérant du ghetto. Cagou les gars dans la porte, hors de question que mes palus. Je ressorte pas dans l'enquête. On le faisait déjà nous, quand les autres se demandaient que faire. Eux, c'est des gros acteurs, bientôt je les éteins sur la vie de mes soeurs. Grâce à Dieu on s'en sort, je vais peut-être quitter la terre ce soir. Dans le vaisseau mère elle veut s'asseoir, elle veut ses sues, elle veut sa place. Dans mon cœur mais c'est mort, y'a pas d'imposteur, ça parle un peu stu. Ton poteau finit dans le coffre du RSX. On a tartiné jusqu'à 0h, à 16 ans au volant de la Mini Cooper. T'inquiète elle est bien coupée, ça va Stan, on va s'en occuper. Bandit bandit comme tous mes copains, provocante comme tous mes copines. Hola hola hola chica, c'est un liaison là qui tire dans le mille. Viola la couleur du papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Moula moula couleur Lakers, non mais pas trop tu seras sonné. Milliard de 50 euros élastiqués sur le déco. Je me suis levé à 10h30 comme le gérant du ghetto. Cagou les gars dans la porte, pas de question que mes palus. Je ressortais pas dans l'enquête.